Et à l'instant, Raymond Poirier est avec nous. Raymond qui est chargé de communication à l'ITIS de l'Université Laval. Allô Raymond. Bonjour Tania. Et on parle sans surprise encore une fois de ville intelligente de l'année. Effectivement, en fait, on savait que la ville de Québec s'était classée au top 7 des villes intelligentes de l'Intelligent Community Forum. Et on attendait tous avec un certain suspense, un certain stress, la date fatidique du 8 juin où était annoncée la ville, parmi les 7, la ville qui serait celle de l'année, la ville intelligente de l'année. Et évidemment, si je n'en parle pas avec plein de joie déjà dans la voix et plein d'enthousiasme, c'est parce que Québec n'a pas gagné. Non. C'est plutôt la ville de Riverside en Californie qui a obtenu le prix. Un prix, cela dit, quand on voit un peu ce qu'ils ont réalisé en termes de technologie qui semble quand même assez mérité. Je donne quelques exemples. Notamment, en fait, ils se sont rendus compte, Riverside, en fait, c'est une ville qui est en banlieue de Los Angeles, en banlieue de la Silicon Valley, donc qui était surtout une ville dortoir au départ. Okay. Il y avait peu de gens qui restaient sur place. Il y avait des problèmes au niveau de pauvreté, manque d'éducation, beaucoup de gradués qui quittaient à la fin de l'année pour aller dans d'autres secteurs. Alors, ils ont décidé, pour renverser cette tendance-là, en 2004, de mettre ce qu'ils ont appelé une high-tech task force pour essayer de moduler vers Riverside le développement très fort qu'on connaît en entreprise technologique en Californie. Ça a bien fonctionné de manière générale. Ça a donné des résultats multisectoriels. En plus, bon, évidemment, une université de recherche là-bas. Ils ont construit un réseau de fibres optiques à l'intérieur de la ville, 1600 points d'accès. Gratuit à travers la cité. Une demande extrêmement forte, d'ailleurs, de manière générale, là, pour utiliser ce service-là. Et en plus, avec ça, ils ont fait le développement d'une série d'applications liées à la gouvernance électronique, au e-gouvernement, notamment en fait des gestions de trafic, un système de, si on permet l'anglicisme, de tracking des graffitis et de leur élimination. Donc, quelques exemples. En plus, un service 3-1-1 pour les services d'enseignement, pour les services pour les jeunes. On parle aussi carrément, là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème de fracture digitale qui était très fort dans leur secteur. On en a parlé. Donc, ouais, l'idée que certains ont tout simplement pas les moyens pour avoir l'équipement qui leur permet d'utiliser et de maximiser les accès. Et on l'a dit, il y a 1600 points d'accès. Donc, ça veut dire que, et la ville s'est dit, si on donne un ordinateur aux gens qui en ont pas, ils vont pouvoir utiliser les accès gratuits qui existent déjà. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont donné donc des ordinateurs à 1500 familles pour qu'ils puissent utiliser les points d'accès, donc sur les principes en lien avec la pauvreté, certains secteurs et autres. Ils ont mis sur place des projets liés aux déchets électroniques, aux e-waste, etc., etc. Alors, ça fait quand même beaucoup d'initiatives comme ça qui sont extrêmement intéressantes et qui, de la description qu'en fait l'Intelligent Community Forum, donne l'impression que c'est un prix mérité. Et je fais référence un peu aussi à quelque chose que Louis Zakaria a dit lorsqu'il est venu à Québec, lorsqu'il a visité notamment l'université, la ville et autres. Il a dit, regardez, les 7 villes qui sont en lice méritent toutes, pour différentes raisons, de gagner la première place. Eh bien, on voit en quoi Riverside le mérite, comme on a déjà discuté dans quoi Québec aurait pu aussi le mériter. Aussi, ouais. Donc, finalement, hein, peut-être pour une prochaine année, mais bon, c'était très bien mérité du côté de Riverside. Sinon, deuxième sujet, Raymond, tu nous parles du Webcamp Québec. Exactement, Webcamp Québec, édition 2012. En fait, c'est une fois par année, c'est les gens qui travaillent dans le milieu des technologies de l'information et surtout dans le milieu de l'industrie web en général, qui se rencontrent pour échanger. Donc, on parle d'à peu près 150-200 personnes qui sont réunies. C'était le mois dernier, le 17 mais à l'ENAP. Et l'idée est de discuter. Donc, c'est une espèce de grand forum de discussion séparé en 3 salles, les geeks, les super geeks et les autres. Donc, je faisais partie. Le commun du mortel. Le commun des mortels. Et donc, c'est vraiment un thème par 15 minutes avec discussion presque libre, on pourrait dire, à l'intérieur de la salle. Et si je fais du pouce un peu, on a parlé de e-gouvernement tout à l'heure, mais c'est un des sujets qui est ressorti. Donc, l'idée des données ouvertes. La ville de Québec, notamment, qui a rendu public certaines données. Le gouvernement du Québec qui va faire de même suite au rapport d'Henri-François Gautrin qui dit, ben justement, rendons public certaines données. On en a parlé dans le passé. Et là, c'est intéressant parce que c'est un peu l'autre point de vue, si on peut dire, face à cette perspective-là. Beaucoup d'entrepreneurs web qui disaient, oui, mais maintenant, qu'est-ce que ça implique pour nous? De quelle manière l'industrie pourra récupérer ces possibilités-là? Et de B, quel impact ça pourra avoir aussi sur le développement de projets dits traditionnels? Est-ce que si les données sont ouvertes, il va quand même avoir des projets qui vont émaner du gouvernement avec du financement pour engager des entreprises pour les développer? Ou est-ce que les projets de développement face aux données vont se faire simplement par idée, par perspective externe, sans nécessairement avoir besoin de l'aval du gouvernement? Et donc, ça a amené des discussions assez dynamiques entre des gens de démocratie ouverte, des gens de capital ouvert, des gens de la Ville de Québec et ces développeurs-là. Et finalement, ce qui en ressortait, c'était un peu des deux, finalement. C'est que les données sont là, sont disponibles, et donc faut que l'entreprise, autant que les citoyens, se les approprient selon ses désirs. Donc, les gens de la Ville disaient, regardez, on les a mis là pour qu'ils servent. On sait qu'il y aura peut-être pas toujours des utilisations qui vont nous faire sourire, mais on prend le risque. On joue le jeu parce qu'on croit qu'il y a de là des opportunités pour que les gens se prennent en main, si on peut dire. Surtout que sur certains pans, c'est pas nécessairement non plus à la ville de prendre le leadership sur certains développements qui sont peut-être un peu plus spécifiques, qui sont peut-être un peu moins unificateurs, mais tout aussi nécessaires. Alors il y avait un peu de ça qui était débattu, qui était discuté. Et parallèlement, toute l'idée aussi des responsabilités qui était questionnée par certains développeurs, qui disaient oui, mais s'il y a une impropriété dans les données, s'il y a une erreur dans une base de données qui est rendue publique et que moi je l'utilise, est-ce que c'est moi qui est responsable de cette mauvaise information-là, ou est-ce que c'est la ville qui a libéré ces données? Et finalement, la réponse, c'est au bout du compte, on le sait pas précisément. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a possibilité de réaction assez rapide, assez efficace, ouais. Que si on voit qu'il y a une donnée impropre, on avertit les autorités en place qui, eux, font la modification. Mais avec plus de gens qui ont accès aussi, ça peut éviter les erreurs, parce qu'il y a plus de gens pour vérifier. Exactement. Si on prend une application qui est liée au service de loisirs, on a une activité dans ce service-là, qu'on se rend compte qu'il est mal listé, bon, on va avertir. On va s'en rendre compte. On va s'en rendre compte. Donc, il y a cette idée qui est aussi présente. Donc, on voit beaucoup de craintes d'un côté et beaucoup de désirs aussi chez d'autres, justement, de développer des projets et de s'approprier ces données-là. Et en terminant, en fait, donc les je dirais peut-être une phrase qui résume un peu l'ensemble. Donc les gens de la ville qui disaient, il faut sortir du discours théorique. Une fois les données libérées, l'administration publique ne sait pas ce qui sera fait avec, et c'est correct. S'il y a une erreur, les gens peuvent réagir, peuvent intervenir. Ben, c'est une très bonne réponse. Ben oui. Tout simplement. Alors ça, c'est évidemment, Tania, un des sujets qui ont été traités. Ouais. Quand on réunit 150 personnes, des sujets aux 15 minutes, ça bouillonne beaucoup. Évidemment, plusieurs perspectives qu'on peut retenir selon les intérêts. Peut-être on a un peu de temps pour que je t'en lance quelques-unes comme ça. Notamment, en fait, j'ai trouvé intéressant l'idée du développement d'applications versus le développement de sites web adaptés pour le mobile. C'est une préoccupation qu'ont beaucoup de clients, qu'ont beaucoup de développeurs, et eux se demandaient, ben, qu'est-ce qui serait le mieux dans le contexte actuel? Finalement, ce qui en est ressorti, c'est que c'est quand même beaucoup plus coûteux de développer une application. Et il y a eu un effet de mode, selon les développeurs, qui était quand même assez fort au cours des dernières années pour maximiser le développement d'applications, pour avoir son application. Mais on se rend compte que quand on observe les statistiques du mobile, il y a plus de gens qui surfent sur Internet avec leur téléphone que de gens qui téléchargent des applications. Donc, si on veut rejoindre beaucoup plus de gens, ben, il faut plutôt s'assurer que son site peut se visiter sur mobile, est adaptable et agile et efficace sur cette plateforme-là. Et donc, ce serait pour un premier investissement dans une stratégie de mobilité, un investissement beaucoup plus valide pour les clients. Du moins, c'est ce que j'en ai retenu. Mais, j'ai rencontré justement des développeurs web il n'y a pas si longtemps qui me disaient, nous, on se spécialise maintenant dans les sites Internet qui font à la fois le mobile et l'ordinateur, parce qu'on sentait aussi que c'est une économie de coût pour le client qui veut un site qui n'est pas obligé d'en faire deux, un adapté au mobile et un à l'ordinateur. Donc, ça aussi, ça devient de plus en plus pratique. Les gens se penchent sur cette question-là de, bon, qu'est-ce qu'on fait, toujours deux sites? Ou s'il y a moyen d'en faire un seul qui concorde avec les deux? Et qui est capable de s'adapter à toutes les plateformes. Parce que l'application, elle est seulement pour Android, elle est seulement pour iPhone. Sinon, il faut l'adapter. Tandis que le site web mobile, lui, est multiplateforme. Et l'application doit être bien faite. Exactement. Puis doit proposer un contenu aussi. Si c'est seulement le site mobile qu'on retrouve en application, faites un site mobile. C'est ça qu'il disait à Webcamp. Si par contre, si vous avez un contenu particulier à proposer, une architecture de contenu particulière, alors là, oui, peut-être que l'application peut être intéressante, mais encore faut-il que les gens puissent la trouver parce qu'il y a énormément de choses sur la App Store. Donc, c'est pas toutes les applications non plus qui réussissent à percer. Donc, tandis que sur Internet, ben, si on cherche avec des mots-clés, on a peut-être plus de chances de vous trouver aussi. Alors, tout ce débat-là qui était aussi évoqué, l'idée des médias sociaux, évidemment, comment on développe des stratégies face aux médias sociaux, pour exemple, dans les campagnes de dons, de financement, c'est complexe parce qu'on est énormément sollicité. Et ça change. Utiliser Facebook il y a 4 ans et aujourd'hui, c'est complètement une autre stratégie. Et ce qui en est ressorti, et ce que je trouvais intéressant, c'était beaucoup de félicitations autour des campagnes du Movember, autour des campagnes de l'UQAM. Parce que ce qu'on remarque, c'est que souvent, il y a des campagnes qui visent beaucoup trop large et qui n'impliquent pas assez l'usager à son niveau. Et si l'usager est impliqué, il va impliquer sa base. Donc, ça va créer un mouvement qui va venir plutôt par le bas que par le haut, si on peut dire. Donc, une implication réelle qui va aussi forcer une participation peut-être un peu plus grande que simplement de mettre une affaire d'une certaine couleur. Donc, qui va aller un peu plus loin et qui va aussi permettre à l'usager d'avoir un certain contenu pour son fil, d'animer son fil autour de cette idée-là. Donc, c'était vraiment les campagnes qui ressortaient comme les meilleures utilisations jusqu'à date de ce qui était fait sur Facebook, sur les médias sociaux en termes de campagnes de financement. Par contre, ce qu'il soulignait aussi, c'est que le risque maintenant, c'était que tout le monde allait un peu copier cette recette-là. Et donc, maintenant, comment allons-nous pouvoir aller plus loin, développer autre chose? Parce que, oui, il y a l'idée d'implication qui est importante, mais encore, faut-il être original? Et pour l'instant, c'est malheureusement pas encore donné à tout le monde. Donc, faudra trouver autre chose à ce moment-là, mais il y a toujours autre chose qu'on finit par trouver. Raymond, si on veut plus de détails sur le Webcam Québec, j'imagine que sur le site de l'ITIS, on retrouve ton résumé. Exactement, le résumé qui est toujours sur la page d'accueil d'ailleurs, donc itis.ulaval.ca. On aborde les médias sociaux, les questions de clientèle aussi et autres. Fait que ça vous permet d'avoir une petite idée de ce qui s'est jasé, des préoccupations, au bout du compte, des gens du milieu du développement web à Québec. Et on retrouve aussi les chroniques que tu fais ici dans Change de disque. Et on te retrouvera la semaine prochaine. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.